Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 23e numéro du mag, un numéro assez chargé cette semaine où on va revenir évidemment sur l'actu télé et l'actu ciné du côté des adaptations de comics. On vous fera également un petit tour des news concernant les comics en VF et en VO. Et puis, à la place de nos rubriques habituelles, on vous parlera de deux conventions, l'une qui se tient ce week-end et une autre qui va faire son retour. Et de quelle manière au mois d'avril? Je suis Mathieu et vous allez écouter le 23e numéro du MAG. Et ce MAG se fera en binôme puisque cette semaine je suis uniquement avec Arnaud. Salut! On va commencer, je le disais avant le générique, par vous parler d'une convention, une convention qui va se tenir ce week-end, c'est-à-dire le 3 et 4 octobre 2015 à Paris, Porte de Versailles. Ce sera le 20e Paris Manga et Sci-Fi Show. Pourquoi on vous parle de ça alors qu'il n'y a a priori pas comics dans le titre? Parce qu'il y a une partie comics dans cette convention et il y a certains grands noms qui vont être reçus. Yannick Paquette, pour commencer, grand dessinateur, une star aux USA qui a travaillé sur Batman, sur X-Men, sur Swamp Thing avec Scott Snyder. Enfin voilà, c'est vraiment un très très très grand talent. Nick Bradshaw aussi, lui plus connu du côté de Marvel, son travail sur les Gardiens, sur Avengers aussi. On peut aussi noter Rafa Sandoval, ouais. Et puis Alessandro Vitti aussi, et puis d'autres artistes français, peut-être un peu moins connus du grand public du côté des comics, si c'est peut-être Julien Hugon-Harbert, qui est quand même assez connu pour, enfin en tout cas dans le public comics, et puis bah, d'autres artistes comme Juan Santa Cruz, Anthony Dugeneste, Brian Weinstein, Roland Boschi, Morrissey, Vincel Tabanas, Tina Valentino, Arwen Necker, et puis Virginie Civeton. Voilà. Donc un beau plateau comics, rien que pour Yannick Paquette, Bradshaw, Sandoval et des noms comme ça vaut peut-être le coup d'aller faire un tour à la Porte de Versailles si vous êtes sur Paris ce week-end, donc Paris Manga et Sci-Fi Show pour la 20e édition. Évidemment, si vous êtes un peu geek, c'est quand même un endroit où aller, parce que manga, sci-fi, Jason Momoa, le futur Aquaman au cinéma sera de la partie aussi, enfin voilà, il y a quand même du beau monde, on va dire. Je suis en train de regarder un petit peu s'il y a d'autres personnes. Non, Xavier Fournier, quand même, rédacteur en chef de Comic Box, qui a signé un bouquin chez Huggin et Menin, sera également présent. Enfin, voilà pour le Paris et Manga Sci-Fi Show. On vous parlera de l'autre convention dont je vous parlais avant le générique, tout à l'heure après l'actu télé. Actu télé qui commence par Gotham. Ouh. Et ben, je fais bien de faire ouh, puisque Bruno Heller a confirmé la cour des hiboux. Oh mon Dieu. Voilà, donc la cour des hiboux sera bien dans la saison 2 de Gotham. C'est Bruno Heller qui l'a confirmé lui-même cette semaine. Youpi. Youpi, c'est ça. Est-ce qu'on dit youpi aussi pour l'annonce du casting qu'on a eu cette semaine? Je suis pas sûr, on va en débattre. C'est alors Gotham, enfin les producteurs de Gotham ont annoncé que Raúl Castillo, vu dans Looking, a été engagé pour jouer un méchant dans Gotham. Il jouera Eduardo Flamingo, un super-héros un peu particulier, pardon, un vilain un peu particulier. C'est un tueur à gages qui tuer n'est pas juste un boulot, mais une forme d'art. Et il a un très gros appétit pour la chair, comme idée, comme le personnage décrit dans le communiqué de la Fox. Et donc, c'est un tueur à gages qui va mener la vie rude à Gordon avec son arme de prédilection, une chaîne avec des pointes. Voilà. Voilà, Flamingo, hein, flamand, donc costume un peu rose, la veste est rose, en tout cas dans les comics. On va voir s'ils vont oser le faire dans Gotham. A priori, ils osent tout, donc. Pourquoi pas, Voilà. hein. Je vais un peu nous étonner avec eux. Voilà. Je suis plutôt content de revoir Raúl Castillo, j'avais bien aimé dans Looking, mais le pauvre. C'est ça. Un autre casting, c'est, alors, il faut que je m'accroche un peu pour le nom, c'est Stéphanie Corneliusen, oh finalement ça va, qu'on a pu voir dans Mister Robot cet été, qui jouera Valentina Vostok dans Legends of Tomorrow. Et puis du côté Legends of Tomorrow, on a un autre casting. Oui, c'est Peter Francis James, qu'on a pu voir dans Oz, par exemple, ou Law and Order, qui a joué un personnage complètement nouveau, qui n'existe pas dans les comics, apparemment, à moins qu'ils aient pris un autre personnage qu'on connaît, qu'ils aient changé son nom pour garder le mystère. En tout cas, apparemment, c'est un personnage unique à la série, qui apparaîtra d'abord dans Arrow, avant d'apparaître dans, de reprendre son rôle dans Legends of Tomorrow, et donc il jouera le professeur Boardman, qui est un spécialiste de l'histoire de Shayara, autrement appelé Hawkgirl, et du prince Khufu, autrement appelé Hawkman. Voilà. Et il est lié à Vandal Savage, le méchant de Legends of Tomorrow. C'est ça. Donc, il a, a priori, un, il joue une part importante dans l'histoire d'Hawkman et Hawkgirl. Donc, voilà. Bon, deux castings, somme toute assez anecdotiques, hein, c'est vraiment des rôles, très seconds, on va dire. À voir. Legends of Tomorrow, voilà, on continue à alimenter un peu les news. Tout comme The Walking Dead, qui arrive au mois d'octobre, pour une saison 6. Et on a appris déjà un casting pour la deuxième moitié de saison, parce que The Walking Dead est souvent coupé en deux pour ses saisons. Donc dans la deuxième moitié, on retrouvera Tom Payne, qui va jouer le rôle de Jesus. Alors pas Jésus, hein, mais bien le personnage des comics, qu'on a pu découvrir dans les comics, qu'on a même pu apprécier, en tout cas c'est ma part, dans les comics. Donc voilà, c'est sympa de le voir débarquer. Alors, juste par rapport à la version dessinée par Charlie Adlard, il a quand même une sacrée belle gueule. C'est pas tout à fait le Jesus qu'on connaît dans les comics, hein, qui est Ouais, mais un peu crade, les cheveux longs, pas rasés et tout. c'est The Walking Dead, on a bien écrit que ça peut vite tourner Oui, c'est vrai. au Là, on le voit sale. en version propre et ça peut effectivement, c'est vrai. Pour la petite info, Jesus, il est arrivé dans le numéro 91 de The Walking Dead, donc c'est un personnage assez récent et ça coïncide avec la période Negan. On sait que Negan arrive, hein, il sera a priori sans doute dans la deuxième moitié de saison, peut-être même que dans le final, mais a priori il sera là. Ce que j'avais lu pour le final, ouais. Voilà, pour le final sûr, mais après avant ou pas, on verra. Voilà pour The Walking Dead. On va passer maintenant à la série animée Batman, qui fait encore parler d'elle. Oui, parce qu'on a eu le Batman Day et donc on a eu plein d'annonces, dont celle-ci, Arnaud. C'est ça, à l'occasion du Batman Day, qui était le samedi 26, donc samedi dernier, la société Mondo a annoncé qu'ils allaient sortir une vinyl box qui regroupera la BO, en fait, de certains épisodes de la série Batman The Animated Series, et c'est prévu pour novembre. Voilà. Donc une box super chouette. Enfin, les visuels qui ont été diffusés par Mondo sont quand même plutôt beaux. Magnifique, ouais. Parce qu'il y aura des prints avec de très beaux Voilà. Si vous voulez l'écouter, il faut un lecteur de vinyle. prints. C'est tout. Agent Carter. Agent Carter fait parler d'elle. Elle arrive a priori cet hiver, hein, en janvier comme l'année dernière, c'est ça? Oui, probablement. Et on a vu un premier poster pour la saison 2. Un poster qui, comment dire, qui pue la classe. C'est pas faux, ouais. Bah, c'est Peggy Carter, quoi, C'est ça, forcément. dans sa petite robe bleue, vraiment, puis même au niveau de la lumière, des couleurs sur l'affiche, vraiment, c'est vraiment un super beau poster, avec en fond la confirmation que Peggy va bien passer sur la côte ouest, puisqu'on voit Los Angeles sur la colonne sur une espèce de pylône à droite. Donc voilà, de quoi faire patienter un petit peu les fans et vous faire un joli fond d'écran. De quoi faire patienter les fans, Arnaud? Ouais, Marvel essaie aussi de faire ça pour Jessica Jones. Donc il y a quelques semaines, on avait appris que la série sera disponible sur Netflix le 20 novembre. Et il y avait eu un petit teaser pour accompagner l'annonce. Un teaser qui montrait pas grand-chose. C'était un teaser conceptuel avec quelques voix des personnages. Mais ça donnait déjà envie, c'était déjà assez alléchant. Et là, on a un nouveau teaser qui sans doute un extrait de la série, où on voit en fait Jessica qui a un dur réveil, et le réveil passe lui-même à un sale quart d'heure puisqu'elle montre ses pouvoirs en écrasant le réveil. Voilà, c'est un sacré budget à mon avis pour le matin. C'est Si clair. quelqu'un fait ça tous les matins, il faut un sacré budget Radio Réveil. Donc en tout cas voilà, on a juste 30 secondes, effectivement on voit sa main qui écrase Radio Réveil et voilà. Là, ça fait aussi monter la pression et l'envie de voir cette série et ça indique quand même quelque chose. Malgré tout, ça indique peut-être une certaine place à l'humour. Peut-être, oui. dans la série, parce que là, on a pris quand même. On n'est pas comme les premiers teasers de Daredevil où on le voyait allongé par terre en train de se relever, du sang qui coule de sa bouche sous la pluie, dans le noir, etc. Là, voilà, c'est le réveil qui sonne, elle l'écrase avec sa main, etc. Voilà. Je trouve Pourtant, surtout. les comics alias, il n'y a pas d'humour. C'est pas léger, c'est clair, hein. Mais on a quand même quelque chose là de plus léger dans le premier teaser. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? On sera vite fixé, hein. Maintenant, c'est dans 2 mois, même pas, hein. Voilà pour l'actu télé. On va revenir du côté de la VF, mais avant de parler des comics VF, on va faire le point sur ce qui a occupé une bonne partie de la semaine pour les fans de comics. C'est les annonces qui ont été faites par la Paris Comics Expo. La Paris Comics Expo qui revient samedi 16 et dimanche 17 avril 2016, non plus à l'espace Champéret, puisqu'on l'a appris cette semaine aussi, revient au Parc Floral de Paris. Dans un espace plus grand, plus agréable sans doute au printemps, et surtout avec des équipements qui correspondent plus à ce que veut faire la Paris Comics Expo pour son retour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est alors ça a commencé quand toutes ces annonces? Ça a commencé mardi. Entre mardi et vendredi, nous avons fait tous les jours des annonces de noms, et ben voilà, chaque nom est plus prestigieux que le précédent, et on se demandait même quand est-ce qu'ils allaient s'arrêter. Donc, qui sera là à cette PCE numéro 4, une édition 4 étoiles, où on va retrouver tout d'abord Mark Brooks, un très très grand artiste, et puis le même jour, il nous annonce Art Adams, une légende des comics. Donc ça, c'est les deux noms qu'ils ont annoncés mardi. Rien que là, on se dit, bon, ok, C'est pas mal. peut-être que j'ai envie d'y aller. Et puis le lendemain, ils nous disent Umberto Ramos sera là. Umberto Ramos, Spider-Man, hein, je vous le rappelle, X-Men bientôt sur le scénario de Jeff Lemire. Ok, Umberto Ramos est là tout le temps. En même temps, il a fait toutes les PCE. Voilà. Et puis 1 heure après, ils nous disent Paul Renault sera là aussi. Paul Renault, c'est pas non plus le dernier des artistes, c'est un grand artiste français qui fait beaucoup de covers, beaucoup de variantes de covers notamment. J'en ai quelques-unes notamment sur son titre Archie. Voilà, il est vraiment bourré de talent ce mec-là. Il sera présent, lui, sur l'Artist Alley. On nous a annoncé également Joyce Chin, qui est aussi une cover artiste, notamment chez DC et Dynamite. Et puis, le gros morceau est arrivé un petit peu plus tard, et là, juste comme ça, la PCE nous annonce que Monsieur Bruce Timm sera l'invité d'honneur de leur 4e édition. Et Donc, là, si vous voulez bah... vous faire dédicacer le coffret de vinyle que vous aurez eu pour Noël, c'est tout à fait Voilà, possible si avec vous grâce à la PCE. cassez votre intégrale Batman The Animated Series, votre Harley Quinn tome 1, votre peu importe, enfin, il a l'origine de tellement de choses, monsieur-là. Ou si vous voulez juste lui dire merci pour votre enfance et les bols de céréales que vous avez mangés les dimanches matins grâce à lui, et voilà, bah c'est le moment de le faire. 16-17 avril 2016 au Parc Floral, Paris Comics Expo. Voilà, Bruce Timm invité d'honneur. Si les noms précédents ne suffisaient pas à vous convaincre qu'il faut absolument être présent à cette PCE, voilà, le nom de l'invité d'honneur, Devrait faire l'affaire. c'est ça. On a appris également que voilà que de divers partenariats avaient été signés entre la Paris Comics Expo avec la Paris Comics Expo et que ce sera Gastrono Geek qui assurera la restauration sur place. Voilà. Quel programme. Ça fait rêver, Bon, a priori, pas besoin de poser la question. On sait où on sera ce week-end-là. ouais. Oui. Hein, c'est absolument immanquable. Comme quoi, hein, en une semaine, un salon que certains annonçaient mort. Tout déchiré. Voilà, on revient et tue le game, comme on dit. Ça Ben, il faut être patient, il faut attendre le mois d'avril, et puis soyons sûrs que du côté de PCE, il y aura encore d'autres annonces. On n'en est qu'au début. Là, ils ont vraiment voulu frapper fort sur la table et dire, voilà, on est encore là, et regardez ce qu'on vous prépare. Mais il y aura forcément d'autres très grandes choses qui vont arriver. Hein. On n'a eu aucune annonce encore. On sait qu'il y a des acteurs souvent qui viennent, des choses comme ça. Enfin voilà. c'est ceux qui sont confirmés hein, Voilà, seulement. ça c'est vraiment les noms qui sont confirmés, et puis les têtes d'affiche, comics, voilà, l'invité d'honneur, etc. Mais voilà, il y aura d'autres choses, forcément. On va continuer notre mag avec l'actu VF, les comics. Alors, l'actu VF est assez calme cette semaine. On a appris que deux choses, et les deux choses viennent de Panini. La première est assez triste. Ouais, c'est que donc en dehors des comics Marvel que Panini publie, ils ont aussi deux autres gammes qui étaient Fusion, pour tout ce qui est indé, tout ça, et l'univers Valiant, dont on sait qu'il allait très très mal au niveau des ventes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'arrêtaient pas de faire plein de promos pour essayer d'attirer les lecteurs, sauf que ça n'a pas suffi, et Panini a annoncé qu'ils ne publieront plus les comics Valiant. Voilà, ils n'ont pas renouvelé la licence et donc du coup ils perdront les droits fin décembre. Donc est-ce que quelqu'un reprendra ou pas le flou derrière pour une licence qui est quand même un échec, hein, faut quand même voilà, faut dire ce qu'il y a. Panini a essayé plusieurs choses, plusieurs offres. Bon bah ça n'a pas pris. Est-ce qu'ils ont utilisé la bonne méthode aussi pour publier Valiant? On ne sait pas. Est-ce qu'un kiosque Valiant n'aurait pas mieux marché? Est-ce que moins cher, un rendez-vous plus régulier, c'est peut-être aussi ce qu'aurait fallu à cet éditeur-là, à cet univers-là, ou peut-être pas faire des bouquins avec si peu d'épisodes pour aussi cher aussi. Donc ben c'est dommage pour l'univers Valiant en France. Pas sûr que quelqu'un reprenne derrière. Faut se tourner du côté de la VO, hein, c'est tout. Comme souvent. C'est ça. Allez, Panini a quand même annoncé de bonnes nouvelles puisqu'ils ont publié leur checklist de novembre cette semaine. Du côté des kiosques en novembre, évidemment, c'est le mois de Star Wars puisque c'est un bimestriel. Donc novembre, Star Wars numéro 4. On aura également du côté du bimestriel Ant-Man pour son troisième numéro qui marquera la fin de la première saga d'Ant-Man. Donc ça sera le dernier numéro a priori de ce magazine. Vous verrez pourquoi juste après. Et puis évidemment, les habituels magazines, voilà, restent en place. On aura la troisième partie sur trois de Inhuman dans le Marvel Saga en série numéro 5. Quelque chose qui ne sera ne pas manquer. Et puis du côté de la librairie, en Star Wars, on aura Princesse Leia, on aura le quatrième Deadpool en Marvel Select, on aura aussi 200% Marvel consacré à Deadpool, enfin Deadpool est là partout hein, de toute façon. C'est le mois Préparons des... février. C'est ça, c'est le mois des absolutes avec Original Sin. Ouh. Le troisième tome de Thor en collection Marvel Now avec le deuxième tome de X-Men. Et puis du côté de Fusion, on aura un best-of, le prologue du film Le Labyrinthe, la Terre brûlée, Maze Runner 2. Un Marvel Icons à peine attendu, Astonishing X-Men par Joss Whedon. Oui. Joss Whedon et Cassadet. j'ai oublié son prénom à Cassaday, merci. Bah John. John Cassaday, c'est ça. Donc 320 pages, 36 € pour les épisodes de 1 à 12 d'Astonishing X-Men. Donc encore un gros bébé, la gamme Marvel Icons. Et puis on aura le fameux coffret qui avait été annoncé, le coffret Marvel Events, parce que vous savez que Panini a annoncé dans l'été qu'ils allaient sortir une nouvelle gamme avec les events, les grands événements Marvel qui seront compilés dans la même collection. Et donc il y aura 6 volumes qui vont sortir en 2000, non 5 volumes qui vont sortir en 2016, et les 5 sortent en avant-première au mois de novembre dans un coffret luxueux, ce qui représente 1648 pages de lecture quand même. Ouf. On retrouvera les premières guerres secrètes, donc Secret Wars, Avengers la séparation, donc Disassembled pour les lecteurs VO, Civil War, Avengers versus X-Men et Age of Ultron. C'est dommage, ça commençait bien. Secret Wars, Avengers Disassembled, Civil War, et puis après, ben, bon. Ce coffret sera vendu 139,95 € pour les 5 bouquins. Donc, j'ai pas fait le calcul, du coup, ça revient à des bouquins à 25 € à peu près. C'est pas cher. Voilà, le coffret, voilà, faut espérer quand même qu'il soit beau et que les bouquins soient de qualité. On nous annonce également, bah tiens, Paul Renault, justement, on en parlait tout à l'heure pour la PCE, le coffret contient en plus des livres une lithographie exclusive et inédite des Avengers par Paul Renault. Voilà, petit bonus qui peut toujours faire plaisir. Et puis, quoi d'autre encore en librairie? Bon, pas grand-chose pour novembre. Ce qu'on a surtout appris ensuite par les revendeurs, c'est que c'est la checklist des kiosques du mois de décembre et tous les magazines s'arrêtent en décembre. Le dernier numéro pour tous les mensuels, dernier numéro pour les bimestriels, pour tout, toute la gamme kiosque s'arrête en décembre. C'est terminé. C'est bien précisé dans les sollicitations. Dernier numéro, toutes les sagas, toutes les histoires se terminent. Et pour tous ceux qui n'auront pas réussi à terminer, il y aura une deuxième vague de kiosques le 15 décembre avec des hors-séries. Donc un Deadpool hors-série pour boucler les histoires de Deadpool, Gardien de la Galaxie hors-série, Fantastic Four la fin 2 sur 2, pareil Guardians 3000 on termine, un numéro du Shield pour terminer aussi tout ça, Spider-Man 2 hors-série carrément, enfin deux numéros, un hors-série et Spider-Man Universe 16, Uncanny Avengers aussi, un X-Men hors-série, enfin voilà. Et après tout sera bouclé, tous les magazines s'arrêteront. Pourquoi? Parce que Secret Wars arrive en janvier. Voilà, Tintin. Comme tu le dis, donc a priori, on peut s'attendre à une gamme de mags complètement nouvelle en janvier, qui ne porteront plus le nom Spider-Man. Enfin voilà, pour moi, ça risque de se passer comme ça. On va avoir tous les magazines estampillés Secret Wars, et puis un magazine principal avec la série principale, et puis derrière, des déclinaisons. Alors est-ce qu'il y aura quand même un mag Spider-Man, ou ça sera Secret Wars Spider-Verse, ou quelque chose, enfin on sait pas trop comment ça va se passer, mais bon, les annonces devraient pas trop tarder à arriver. Peut-être au moment de Comic-Con. S'il y a un moment pour annoncer ça sera Comic-Con Paris, dans un mois. C'est clair. Voilà pour les news comics VF. Avant de passer à l'actu ciné, la petite actu ciné, la question de la semaine. On vous demandait cette semaine sur le site quelle nouveauté parmi les séries télé et adaptations de comics attendez-vous le plus? Donc on parle bien de nouveautés, hein, pas de séries qui vont revenir pour leur deuxième saison ou plus. On vous proposait Supergirl, Jessica Jones, Lucifer, Legends of Tomorrow ou aucune. Avant de donner la réponse des lecteurs, Arnaud? C'est difficile parce qu'il y en a deux. Il y a On avait le Jessica droit d'en Jones. choisir deux. Ah, on a le droit d'en choisir deux. Parfait. Donc, Jessica Jones et Legends of Tomorrow, bien sûr. Voilà, bah les mêmes pour moi, hein. Logique. Et alors, les gens? Et alors les gens, 1,2% aucune, comme quoi on peut pas satisfaire tout le monde. En dernier, c'est Lucifer. Oh, surprise! Lucifer avec 8,6% des voix. Avant-dernier, Supergirl, à peine devant, hein, 13, 13,8%. C'est Seulement ont important. coché Supergirl, sachant qu'on pouvait cocher deux séries, hein, donc 3,8, c'est très peu. Et puis après, on a un duo de tête, forcément, qui est le, bah, celui dont on vient de parler, hein, Legends of Tomorrow avec 35,5%, donc il y a vraiment un gros écart entre les deux dernières et les deux premières, et puis Jessica Jones qui arrive en tête avec 40,9%, donc un poil devant Legends of Tomorrow. Voilà. Étonnant, j'avais plus vu les Jones Jessica que Jones bah plus c'est. X. Bah ouais, mais les gens connaissent pas trop le personnage, alors que Legends, les gens ont vu, les ont déjà vu dans Arrow Flash. Mais tant mieux pour Jessica Jones, Tant mieux, parce que tant mieux. c'est un Après, personnage formidable. on a aussi eu un teaser cette semaine de Jessica Oui. qui a peut-être aussi pu la booster un petit peu du côté des votes. C'est elle qui fait l'actu plus que les Legends of Tomorrow en ce moment, pour les personnes qui Forcément, regardent. qui c'est la plus proche dans le temps? C'est ça. Voilà, on revient la semaine prochaine pour une autre question de la semaine. On verra bien laquelle, hein. On va passer à l'actu ciné maintenant. Une seule actu du côté du ciné. Semaine très, très maigre. À croire qu'il y aurait une New York Comic Con qui arrive bientôt. Oui. Et donc la seule info qu'on a eue qui est pas, enfin si c'est une info, c'est plus une confirmation de rumeur qui est pas forcément très intéressante non plus, quoique. C'est en fait le réalisateur du prochain Spider-Man, donc le prochain reboot Marvel Studio Sony. Et donc John Watts a révélé dans une interview accordée à Magazine Empire, là je crois à Peter Parker. Et donc, il confirme la rumeur qui sort depuis des semaines, voire des mois, que Peter Parker sera au lycée et qu'il aura 15 ans. Donc, un très très jeune Peter Parker. Et Tom Holland, bah, il est proche du rôle puisqu'il a eu 18 ans, il me semble, il vient d'avoir 18 ans. 19? Donc, toujours très proche du rôle. Ouais, voilà. Donc, bon, puis quand on voit ses photos, hein, si pour ceux qui suivent un peu sur Twitter, Instagram ou autre, enfin voilà, il n'a pas le visage de son âge. Hein. Non. Il fait bien moins. Voilà, bon bah, un Spider Kid. On va passer à l'actu comics VO. On sait qu'il va y avoir pas mal de nouvelles séries Marvel. Marvel qui On a vu hein, sur les précédentes semaines du mag qui lance des séries un peu inattendues. Hein. Il y a des choses qui nous ont un peu surpris dans les deux Oui. précédents numéros. Je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont nous surprendre aujourd'hui, puisqu'il y a cinq séries qui ont été annoncées ou confirmées par Marvel ou pour lesquelles Marvel a révélé les équipes créatives. Tout d'abord, Black Panther. On savait que Black Panther allait avoir une série en 2016. Logique, vu l'actu ciné. On ne savait pas encore qui allait s'en occuper. Eh bien, c'est Ta-Nehisi Coates. Qui ou Coates, je sais pas parce que vu son nom, son prénom, voilà, c'est peut-être Coates, je ne sais pas. Qui est un journaliste, essayiste. Donc c'est lui qui prendra le scénario de la prochaine série Black Panther. Il a quelques domaines de prédilection en tant que journaliste. Il écrit souvent sur les thèmes un peu culturels et aussi sur les problèmes sociaux et politiques, et particulièrement ceux qui concernent les populations afro-américaines. Donc a priori, pour l'histoire de Black Panther et de T'Challa avec le Wakanda, etc., les thèmes de prédilection de journalistes là semblent bien tomber. Autre annonce de Marvel, et alors celle-là on l'attendait pas, c'est une série solo pour Mockingbird. Défaut d'avoir sa série À défaut d'avoir sa télé. série télé, elle aura une série comics par Chelsea Kane, Mockingbird, donc qui est interprétée par Ryan Palicki dans la série Agents of Shield. Alors là, je l'avais pas vu venir celle-ci. Je pense que t'es pas le seul. C'est Marvel a annoncé une autre, c'est une autre, une mini-série, non, une série. Donc Ongoing, elle, à la place, au départ c'était une mini-série pendant Secret ouais. Wars, hein, qui va se transformer en série en 2016. C'est X-Men 92, donc qui sera en fait adapté de la série animée X-Men de 1992 qu'on regardait quand on était gosse. Et donc, bon, ça se passe directement après Secret Wars, Donc tous les X-Men reviennent du Battle World et en fait ils vont réouvrir dans ce nouvel univers-là, ils vont réouvrir l'école de Xavier. Et donc ils vont réouvrir cette école et former de nouveaux mutants et combattre des super vilains qu'on a vus dans les années 90 comme Omega Red, Exodus, Apocalypse. Tiens, il n'y a pas un film Apocalypse? C'est pas. Fabienne Cortez, Bastion, Mystique, Trevor, Fitzroy et The Brood. C'est la confrérie, non? Ouais, Donc voilà. donc ben voilà. X-Men 92 chez Marvel en ongoing. Après Batman 66, Bon, ouais, X-Men donc ils ont dire, 92. tiens, ça a marché chez eux. Ben, je vois tout. Enfin, ben, bref, je comprends pas J'ai tout. mal à voir, enfin si ça, ils vont essayer d'attirer les comment, les gosses, enfin les adultes qui regardaient ça quand ils étaient gosses, Oh, mais je suis pas sûr que ça fonctionne énormément. c'est pas une série qui a amené à durer très longtemps, hein. Tout comme celle dont on avait parlé il y a 2 semaines, là, que complètement improbable. Oui. J'ai oublié son titre, mais c'est pas grave. En tout Bah, cas. c'est celle sur la copine de Jessica Jones. Ouais, Non? voilà. Ouais, c'est ça. Je sais plus son nom non plus, Jessica Drew, mais je sais plus. En tout cas, Dan Slott, Michael Red, c'est un duo qu'on avait vu sur Silver Surfer avant Secret Wars. Silver Surfer revient en 2016 avec le même Dan Slott et le même Michael Red. Et c'est très bien comme ça parce que c'est un tandem qui fonctionnait très bien sur la série. Donc c'est cool de les voir revenir en 2016, équipe inchangée. Donc les aventures du surfeur vont continuer. Et alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ce lot de What the Fuck. Alors, on a eu Silver Surfer, c'est bien sympa, Black Panther aussi. Mais il y a encore mieux que ça, Arnaud. C'est le retour d'une série qui sera sous la houlette de Jeff Lemire, Greg Smallwood et Jordi Belair. Et donc cette série, ce sera la nouvelle version de Moon Knight. Et alors là, quand on lit le résumé de cette nouvelle série, on peut se poser des questions. En fait, Mark Spector, donc Moon Knight, se réveille dans un hôpital psychiatrique. Et donc la question sera, quels événements l'ont amené à être enfermé dans cet hôpital psychiatrique? Ou est-ce qu'il a toujours été enfermé dans cet hôpital? Et toutes les aventures de Moon Knight qu'on a pu voir précédemment étaient des illusions, les rêveries Oui, c'est d'un possible. homme troublé. Les délires, oui. Est-ce qu'il a été enfermé après un certain événement? Ou est-ce qu'il a toujours été fou et enfermé? Et tout ce qu'on a vu était juste un délire. Et ça Intéressant. sortira à l'automne, au printemps, pardon. Intéressant. Greg Smallwood était déjà au dessin de la série précédente Moon Knight sur la partie qui avait été scénarisée par Brian Wood. Si vous avez lu du Moon Knight récemment, vous avez sans doute lu en VF la dernière série avec deux tomes et deux équipes créatives différentes, notamment ce premier tome fantastique par Warren Ellis et Declan Shalvey. Et du coup, Greg Smallwood avait pris la suite avec Brian Wood. Et du coup, c'était bien sympa aussi. Donc voilà, même dessinateur. Et puis, bah surtout, Jeff Lemire au scénario. Ça nous annonce quelque chose de sympa en 2016 sur le personnage. Après, le côté psychiatrique, vu que c'est un personnage avec de plusieurs personnalités, C'est dans la thématique. voilà, on sait qu'il fallait bien qu'il définisse un jour. Voilà qui conclut notre émission, notre 23e numéro du MAG. On a pas mal de rendez-vous à venir. Jeudi d'abord pour les podcasts sur nos écrans numéro 23 consacrés à Heroes Reborn. Alors certes, Heroes Reborn n'est pas une série adaptée de comics, mais ses inspirations et les thématiques qu'elle aborde sont tellement proches des comics, ils en ont même joué, hein, dans la première version de la série dès la saison 1. Enfin voilà, il y avait clairement un axe librement inspiré des comics, on va dire, et même dans la mise en forme, etc., la présentation des choses, il y a eu des comics Heroes, donc voilà, ça nous semblait plutôt normal de parler de son retour. On va voir si la première saison d'Heroes Reborn, a priori, vaut la première saison d'Heroes. Tout le monde n'a pas l'air de cet avis. Padawan Edition, ce week-end, numéro 22, Justice League Gods and Monsters, où on va vous parler des comics, de la série préquelle disponible en ligne, et puis évidemment du film d'animation sorti en DVD et Blu-ray récemment en France. Et puis un autre rendez-vous, on va dire qu'on conseille aux fans de zombies, de Robert Kirkman, de Walking Dead, on vous conseille de venir faire un tour demain sur Comic Stories, puis aussi sur nos écrans. Oui. Voilà. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Au revoir.